La pièce de théâtre « La neige rouge tombe » est mise en scène dans la ville de Salivonne, province du Fin et du Nord, depuis le 14 juillet. Y assistent les habitants de la province, y compris les cadres. Le spectacle de la troupe d'État de théâtre a pour thème la force d'esprit et le travail des métallos du complexe sidérurgique de Fanhe, qui ont mis au point le système de production du fer tuté avec la volonté de risquer leur vie et la force de se renforcer eux-mêmes, et qui augmentent la production du fer pour bien soutenir la direction du Parti du Travail de Corée.